Section 10, chapitre 45 à 47. Chapitre 45. Abolition de la tyrannie, rétablissement de l'ancienne constitution. C'était une maxime du peuple libre de Sparte de soutenir partout la tyrannie. Si le principe n'est pas généreux, du moins est-il naturel. Nous cherchons à être heureux, mais nous ne pouvons souffrir le bonheur dans nos voisins. Les hommes ressemblent à ces enfants avides qui, non contents de leur propre hochet, veulent encore saisir ceux des autres. Les lacédémoniens volèrent au secours des Trente. Lysandre bloqua le Pirée. C'en était fait des émigrés athéniens lorsque les passions humaines vinrent les sauver et rendre la paix à leur patrie. Pausanias, roi de Sparte, jaloux de la gloire de Lysandre, eut l'adresse de se faire envoyer à Athènes avec une armée. Il livra un combat pour la forme à Thrasybule et en même temps l'invita sous main à députer à Sparte quelques-uns de ses amis. Ceux-ci y conclurent un traité par lequel la tyrannie fut abolie et l'ancien gouvernement rétabli dans sa première forme. Cette heureuse nouvelle était apportée à Athènes. Les parties se réconcilièrent et Thrasybule, après avoir offert un sacrifice à Minerve, termina ainsi le discours qu'il adressait à l'ancienne faction des Trente et des Dix. Pourquoi voulez-vous nous commander, citoyens? Valez-vous mieux que nous? Avons-nous, quoique pauvres, convoité vos biens, et ne commîtes-vous pas 1000 crimes pour nous dépouiller des nôtres? Je ne veux point rappeler le passé, mais apprenez de nous que souvent l'opprimé a plus de foi et de vertu que l'oppresseur. Les Trente et les Dix, retirés à Éleusine, voulurent encore lever des troupes pour se rétablir. Un tyran dans l'impuissance est un tigre muselé qui n'en devient que plus féroce. On marcha à ces misérables, ils furent massacrés dans une entrevue. Ceux qui les avaient suivis firent un accommodement avec les vainqueurs et une sage amnistie ferma toutes les plaies de l'État. Je me suis fait une question en écrivant le règne des Trente. Pourquoi élève-t-on Thrasybule au nu et pourquoi ravale-t-on les émigrés français au plus bas degré? Le cas est rigoureusement le même. Les fugitifs des deux pays, forcés à s'exiler par la persécution, prirent les armes sur des terres étrangères en faveur de l'ancienne constitution de leur patrie. Les mots ne sauraient dénaturer les choses. Que les premiers se battissent pour la démocratie, les seconds pour la monarchie. Le fait reste le même en soi. Ces différences d'opinion sur des objets semblables naissent de nos passions. Nous jugeons le passé selon la justice, le présent selon nos intérêts. Les émigrés français, comme toute chose en temps de révolution, ont eu de violents détracteurs et de chauds partisans. Pour les uns, ce sont des scélérats, le rebut et la honte de leur nation. Pour les autres, des hommes vertueux et braves, la fleur et l'honneur du peuple français. Cela rappelle le portrait des Chinois et des nègres, tout bon ou tout méchant. Si l'on convient qu'un grand seigneur peut être un fripon, qu'un royaliste peut être un malhonnête homme, cela ne suffit pas. Un ci-devant gentilhomme est de nécessité un scélérat. Et pourquoi? Parce qu'un de ses ancêtres, qui vivait du temps du roi Dagobert, pouvait obliger ses vassaux à faire taire les grenouilles de l'étang voisin lorsque sa femme était en couche. Un bon étranger au coin de son feu, dans un pays bien tranquille, sûr de se lever le matin comme il s'est couché le soir, en possession de sa fortune, la porte bien fermée, des amis au-dedans et la sûreté au-dehors, prononce, en buvant un verre de vin, que les émigrés français ont tort et qu'on ne doit jamais quitter sa patrie, et ce bon étranger raisonne conséquemment. Il est à son aise, personne ne le persécute. Il peut se promener où il veut sans crainte d'être insulté, même assassiné. On n'incendie point sa demeure. On ne le chasse point comme une bête féroce, le tout parce qu'il s'appelle Jacques et non pas Pierre, et que son grand-père, qui mourut il y a 40 ans, avait le droit de s'asseoir dans tel banc d'une église, avec 2 ou 3 arlequins en livrée derrière lui. Certes, dis-je, cet étranger pense qu'on a tort de quitter son pays. C'est au malheur à juger du malheur. Le cœur grossier de la prospérité ne peut comprendre les sentiments délicats de l'infortune. Nous nous croyons forts au jour de la félicité. Nous nous écrions, si nous étions dans cette position, nous ferions comme ceci, nous agirions de cette manière. L'adversité vient-elle? Nous sentons bientôt notre faiblesse et, avec des larmes amères, nous nous rappelons des vaines forfanteries et des paroles frivoles du temps du bonheur. Si l'on considère sans passion ce que les émigrés ont souffert en France, quel est l'homme maintenant heureux qui, mettant la main sur son cœur, ose dire « je n'eusse pas fait comme eux ». La persécution commença en même temps dans toutes les parties de la France, et qu'on ne croit pas que l'opinion en fût la cause. Eussiez-vous été le meilleur patriote, le démocrate le plus extravagant, il suffisait que vous portassiez un nom connu pour être noble, pour être persécuté, brûlé, lanterné. Témoins les Lamettes et tant d'autres dont les propriétés furent dévastées, quoique révolutionnaires et de la majorité de l'Assemblée constituante. Des troupes de sauvages, excitées par d'autres sauvages, sortirent de leur antre. Un malheureux gentilhomme dans sa maison de campagne voyait tour à tour accourir les paysans effrayés. « Monsieur, on sonne le tocsin. Monsieur, les voici. Monsieur, ils ont résolu de vous tuer. Monsieur, fuyez, fuyez, ou vous êtes perdu. » Au milieu de la nuit, réveillé par des cris de feu et de meurtre, si ces infortunés, échappés à travers mille périls de leurs châteaux réduits en cendres, voulaient, avec leurs épouses et leurs enfants à demi nus, se retirer dans les villes voisines, ils étaient reçus avec les cris de mort. « À la lanterne, l'aristocrate !» Aussitôt la municipalité en ruban rouge et à la tête de la populace venait, dans une visite solennelle, examiner s'ils n'avaient point d'armes. Que malheureusement un vieux couteau de chasse rouillé, un pistolet sans batterie, se trouvassent en leur possession, les vociférations de traîtres, de conspirateurs, de scélérats retentissaient de toutes parts. Ici, on les traînait à la maison commune pour rendre compte de leurs prétendus discours contre le peuple. Là, pour avoir entendu la messe selon la foi de leur père. Ailleurs, on les surchargeait de taxes arbitraires par d'infâmes décrets qui les obligeaient de payer sur le pied de leurs anciennes rentes, tandis que d'autres décrets, en abolissant ces rentes mêmes, ne leur avaient quelquefois rien laissé, taxes qui souvent surpassaient le revenu de la terre entière, tant ils étaient absurdes et méchants. Dans l'abandon général et la persécution attachée à leurs pas, il restait aux gentilshommes une ressource, la capitale. Là, perdus dans la foule, ils espéraient échapper par leur petitesse, contents de dévorer en paix, dans quelque coin obscur, le triste morceau de pain qui leur restait. Il n'en fut pas ainsi. Il semble que l'on fit tout ce que l'on put pour les forcer à s'expatrier, et plusieurs pensent que c'était un plan de l'Assemblée pour s'emparer de leurs biens. Ces victimes dévouées étaient obligées de quitter Paris dans un certain temps donné. Le matin, ils voyaient leur hôtel marqué de rouge ou de noir, signe de meurtre ou d'incendie. Ce fut alors qu'ils se trouvèrent dans une position si horrible que j'essaierai en vain de la peindre. Où aller? Où fuir? Où se cacher? Réduits à la plus profonde misère, encore pleins de l'amour de la patrie, on les vit à pied sur les grands chemins, retournés dans les villes de province où, plus connus, ils éprouvèrent tout ce qu'une haine raffinée peut faire souffrir. D'autres rentrèrent dans les ruines de leurs châteaux dévastés par la flamme. Ils y furent saisis et assassinés, quelques-uns rôtis, comme sous le roi Jean, à la vue de leur famille. Plusieurs y virent leurs épouses violées, avec la plus inhumaine barbarie. En vain, les malheureux gentilshommes qui survécurent criaient « Nous sommes patriotes, nous vous cédons nos biens, notre vêtement, notre demeure !» On insultait à leurs cris, on redoublait de rage, le désespoir les prit, et ils émigrèrent. Voilà une partie des raisons sans réplique de l'émigration, et c'est dans cette conduite même que je découvre la vraie raison qui a fait calomnier les émigrés. Quand les hommes ont commis ou veulent commettre une injustice, ils commencent par accuser la victime. Lorsqu'on jetait des enfants dans le bûcher de Carthage, on faisait battre les tambours et sonnait les trompettes. Chapitre 46. Chute de Denis le Jeune à Syracuse. D'autres scènes nous appellent à Syracuse. Après avoir considéré longtemps des républiques, nous allons examiner des monarchies. Au reste, ce sont les mêmes passions, les mêmes vices, les mêmes vertus que nous retrouverons sous des appellations différentes. Le bandeau royal, celui de la religion, le bonnet de la liberté, peuvent déformer plus ou moins la tête des hommes, mais leur cœur reste toujours le même. Tandis que la tyrannie s'était glissée à Athènes, elle avait aussi levé l'étendard en Sicile. Tranquille possesseur d'une autorité usurpée par la ruse, Denis l'Ancien soutient 38 années sa puissance par des vices et des vertus. Avec les premiers, il extermina ses ennemis, avec les secondes, il rendit son joug supportable, en cela comme Auguste, il proscrivit et régna. À sa mort, son fils le remplaça sur le trône. Esprit médiocre, il ne se distinguait de la foule que par l'habit qu'il portait et le rang où le sort l'avait fait naître. De même que plusieurs autres princes du monde ancien et du monde moderne, c'était un bon et aimable jeune homme qui savait caresser une femme, boire du kio, rire agréablement, et qui croyait qu'il suffisait de s'appeler Denis et de ne faire de mal à personne pour être à la tête d'une nation. Denis eût trouvé très doux de jouer ainsi le roi à Syracuse, et peut-être les peuples l'auraient-ils souffert. Malheureusement, le nouveau prince avait un oncle philosophe. Dion commit une grande erreur, il méconnut le génie de Denis. Amant de la philosophie, il s'imagina que chacun devait en avoir le goût, comme lui. En voulant forcer le tyran de Sicile à s'élever au-dessus des bornes que la nature lui avait prescrites, il ne fit que lui mettre 1000 idées indigestes dans la tête et peut-être lui donner des vices dont les semences n'étaient pas dans son cœur. Savoir bien juger d'un homme, du langage qu'il faut lui parler, est un art extrêmement difficile. Un esprit d'un ordre supérieur est trop porté à supposer dans les autres les qualités qu'il se trouve et va communiquant sans cesse sans s'apercevoir qu'il n'est pas entendu. C'est une nécessité absolue pour l'homme de génie de sacrifier à la sottise. Quelqu'un me disait qu'il se voyait prodigieusement recherché de la société parce qu'il était toujours plus nul que son voisin. La réputation de Platon s'étendait alors dans toute la Grèce. Dion persuada à Denis d'attirer le philosophe en Sicile. Celui-ci, après quelques difficultés, consentit à venir donner des leçons au jeune prince. Bientôt la cour se transforma en une académie. Denis, du soir au matin, argumentait du meilleur et du pire des gouvernements, mais il se lassa enfin de déraisonner sur ce qu'il ne comprenait pas. Les courtisans murmurèrent, les soldats ne se souciaient pas beaucoup du monde d'idées, et la vertu philosophique était trop chaste pour le tyran. Dion fut exilé, et Platon le rejoignit peu de temps après en Grèce. Le moraliste eut à peine quitté Syracuse que Denis brûla du désir de le revoir. Dans les rois, les désirs sont des besoins. Cette fois-ci, il fallut que les philosophes de la Grande Grèce engageassent pour sûreté leurs paroles aux vieillards de l'Académie. Il y a je ne sais quoi d'aimable et de touchant dans cet intérêt de tout le corps des sages en un de leurs membres. Lorsque Jean-Jacques Rousseau fuyait de pays en pays, peu importait aux savants de la France, de l'Angleterre et de l'Italie. Platon, de retour auprès du tyran, voulut obtenir de lui le rappel de Dion. Non seulement Denis se montra inexorable, mais, sous un prétexte frivole, confisqua les biens de celui-ci que jusqu'alors il avait respecté. Le philosophe, piqué de l'injustice qu'on faisait à son ami, demanda la permission de se retirer. Il l'obtint avec beaucoup de peine. Le prince, demeuré seul, avec ses vices et ses courtisans, se replongea dans les excès du despotisme et de la débauche. La mesure des maux du peuple monta à son comble, et l'heure de la vengeance approchait. Dion, dépouillé de ses biens et blessé au cœur par le divorce de son épouse, que Denis avait donné en mariage à l'un de ses favoris, résolut d'arracher la Sicile à la tyrannie. Il se mit en mer avec 2 vaisseaux et 800 hommes pour attaquer un prince qui possédait des escadres et des armées. Mais il comptait sur les vices du roi de Syracuse et sur l'inconstance du peuple, il ne s'était pas trompé. Tout réussit, Denis se trouvait absent, les Syracusains se soulevèrent, Dion entra dans la cité et proclama le rétablissement de la République. Le tyran accourut au bruit de cette nouvelle, hasarda une action où il fut défait. Après plusieurs pourparlers, il se retira en Italie, laissant la citadelle dont il avait eu le bonheur de s'emparer entre les mains de son fils. Cependant, la division régnait dans la ville. Les uns soutenaient Dion, leur libérateur, les autres s'attachaient à Héraclide, qui proposait des mesures populaires. Celui-ci l'emporte, et Dion, poursuivi par les plus ingrats de tous les hommes, est obligé de se retirer avec un petit nombre d'amis fidèles au milieu d'une populace furieuse prête à le déchirer. Ce grand patriote avait à peine abandonné Syracuse que le parti de Denis, toujours bloqué dans la citadelle, fait une vigoureuse sortie, force les lignes des assiégeants, et les citoyens épouvantés députent humblement vers Dion, qui a la magnanimité de revenir à leur secours. Il s'avançait au milieu de la nuit vers la capitale, lorsqu'il reçoit tout à coup des courriers qui lui apportent l'ordre de se retirer de nouveau. Les soldats de Denis étaient rentrés dans la citadelle, le peuple toujours lâche avait repris son audace, et le parti d'Héraclide, s'étant saisi des portes de la ville, comptait en disputer l'entrée à la troupe de Dion. Cependant, un bruit sourd vient, roulant de proche en proche. Bientôt, des cris affreux se font entendre, des hurlements confus, des sons aigus, entrecoupés de grands silences, durant lesquels on distingue quelques voix lamentables et solitaires, comme d'un homme égorgé dans une rue écartée. Enfin, tout l'effroyable murmure d'une ville en insurrection et en proie à l'ennemi monte à la fois dans les airs. Un incendie général vient éclairer les horreurs de cette nuit que le pinceau seul de Virgile pourrait rendre. Les teintes scarlatines et mouvantes du ciel annoncent à Dion, encore loin dans la campagne, l'embrasement de la patrie. Un messager arrive à la hâte, il apprend aux soldats du philosophe guerrier que la garnison de la citadelle a fait une seconde sortie, qu'elle égorge femmes, enfants, vieillards, qu'elle a mis le feu à la ville, que le parti même d'Héraclide sollicite Dion de précipiter sa marche et d'étouffer dans le danger commun tout ressentiment des injures passées. Dion ne balance plus, il entre dans Syracuse avec sa petite troupe de héros aux acclamations des citoyens prosternés à ses pieds qui le regardaient non comme un homme mais comme un dieu après leur ingratitude. Le philosophe patriote s'avançait dans les rues à travers mille dangers, sur les cadavres des habitants massacrés, à la réverbération des flammes, entre des murs rouges et crevassés, tantôt plongés dans des tourbillons de fumée et de cendres brûlantes, tantôt exposés à la chute des toits et des charpentes embrasées qui croulaient de toutes parts autour de lui. Il parvint enfin à la citadelle où les troupes du tyran s'étaient rangées en bataille. Il les attaque, les force de se renfermer dans leurs repères, d'où elles ne sortent plus que pour remettre la place par capitulation entre les mains des citoyens de Syracuse. Dion, ayant rétabli le calme dans sa patrie, ne jouit pas longtemps du fruit de ses travaux. Il périt assassiné après s'être lui-même rendu coupable d'un assassinat. Calippe, le meurtrier, fut à son tour chassé par le frère de Denis, et Denis lui-même, sortant de sa retraite après 10 ans d'interrègne, remonta sur le trône. Platon connut mieux que Dion les hommes de son siècle. Il lui prédit qu'il ne causerait que des maux sans réussir. C'est une grande folie que de vouloir donner la liberté républicaine à un peuple qui n'a plus de vertu. Vous le traînez de malheur en malheur, de tyran en tyran, sans lui procurer l'indépendance. Il me semble qu'il existe un gouvernement particulier, pour ainsi dire, naturel à chaque âge d'une nation. La liberté entière aux sauvages, la république royale aux pasteurs, la démocratie dans l'âge des vertus sociales, l'aristocratie dans le relâchement des mœurs, la monarchie dans l'âge du luxe, le despotisme dans la corruption. Il suit de là que lorsque vous voulez donner à un peuple la constitution qui ne lui est pas propre, vous l'agitez sans parvenir à votre but, et il retourne tôt ou tard au régime qui lui convient par la seule force des choses. Voilà pourquoi tant de prétendues républiques se transforment tout à coup en monarchie sans qu'on en sache bien la raison. De tels principes, telles conséquences, de telles mœurs, tel gouvernement. Si des hommes vicieux bouleversent un État, quel que soit d'ailleurs leur prétexte, il en résulte le despotisme. Les tyrans sont les remords des révolutions des méchants. Denis ne resta que 2 années en possession de son trône. Les intraitables Syracusains se soulevèrent de nouveau. Ils appelèrent à leur secours un tyran voisin nommé Icétas. Celui-ci, loin de combattre pour la liberté de la Sicile, ne cherchant qu'à se substituer à Denis, traita sous main avec les Carthaginois. Bientôt la flotte punique parut à la vue du port. L'ancien tyran était alors renfermé dans la citadelle où il se défendait contre le nouveau maître de la ville. Dans cette conjoncture, les citoyens opprimés envoyèrent demander du secours à Corinthe, leur mère patrie, et contre Denis et contre Icétas et ses alliés. Les Corinthiens, touchés des malheurs de leur ancienne colonie, firent partir Timoléon avec 10 vaisseaux. Le grand homme aborda en Sicile et remporta un avantage sur Iquetas, Denis, voyant s'évanouir ses espérances, se rendit au général corinthien, qui fit passer en Grèce sur une galère sans suite avec une petite somme d'argent, celui qui avait possédé des flottes, des trésors, des palais, des esclaves et un des plus beaux royaumes de l'Antiquité. Peu de temps après, Timoléon se trouva maître de Syracuse, bâtit les Carthaginois et, appelant le peuple à la liberté, fit publier qu'on eût à démolir les citadelles des tyrans. Les Syracusains se précipitent sur ces monuments de servitude, ils les nivellent à la terre et, fouillant jusque dans les sépulcres des despotes, dispersent leurs os dans les campagnes, comme on suspend dans les moissons la carcasse des bêtes de proie pour épouvanter leurs semblables. On érigea des tribunaux de justice nationale sur l'emplacement même de cette forteresse d'où émanaient les ordres arbitraires des rois. Leurs statues furent publiquement jugées et condamnées à être vendues. Une seule, celle de Gélon, fut acquittée par le peuple. Le bon, le patriote Henri IV, qui n'était pas comme Gélon un usurpateur, n'a pas échappé aux républicains de la France. Les anciens respectaient la vertu même dans leurs ennemis, et ceux qui accordèrent les honneurs de la sépulture à l'étranger Mardonius n'auraient pas laissé les cendres d'un Turenne leur compatriote au milieu d'une ostéologie de singes. Nous avons beau nous élever sur la pointe des pieds pour imiter les géants de la Grèce, nous ne serons jamais que de petits hommes. Chapitre 47. Denis à Corinthe, les Bourbons. Cependant, Denis était arrivé à Corinthe. On s'empressa de venir repaître ses regards du spectacle d'un monarque dans l'adversité. Nous chérissons moins la liberté que nous ne haïssons les grands, parce que nous ne pouvons souffrir le bonheur dans les autres et que nous nous imaginons que les grands sont heureux. Comme les rois semblent d'une autre espèce que le reste de la foule, au jour de l'affliction, ils ne trouvent pas une larme de pitié. « Voilà donc, dit chacun en soi-même, cet homme qui commandait aux hommes et qui, d'un coup d'œil, aurait pu me ravir la liberté et la vie. Toujours bas, nous rampons sous les princes, dans leur gloire, et nous leur crachons au visage lorsqu'ils sont tombés. Qu'eût dû faire Denis dans ses revers? Il eût dû savoir que les tigres et les déserts sont moins à craindre pour les misérables que la société. Il eût dû se retirer dans quelque lieu sauvage pour gémir sur ses fautes passées, et surtout pour cacher ses pleurs. Le prince de Syracuse offrait une grande leçon à Corinthe, où les étrangers s'empressaient de venir méditer ce spectacle extraordinaire. Le malheureux roi, couvert de haillons, passait ses jours sur les places publiques ou à la porte des cabarets, où on lui distribuait par pitié quelques restes de vin et de viande. La populace s'assemblait autour de lui. Denis avait la lâcheté de l'amuser de ses bons mots. Il se rendait ensuite dans les boutiques de parfumeurs ou chez les chanteuses, auxquelles il faisait répéter leur rôle, s'occupant à disputer avec elles sur les règles de la musique. Bientôt, pour ne pas mourir de faim, il fut obligé de donner des leçons de grammaire dans les faubourgs aux enfants du petit peuple, et ce ne fut pas le dernier degré d'avilissement où le réduisit la fortune. Une conduite aussi indigne a porté les hommes à en rechercher les causes. Cicéron fait là-dessus une remarque cruelle. Denis, dit-il, voulut dominer sur des enfants par habitude de tyrannie. Justin, au contraire, croit qu'il n'agissait ainsi que dans la crainte que les Corinthiens ne prissent de lui quelque ombrage. Ne serait-ce point plutôt le désespoir qui jeta le roi de Syracuse dans cet excès de bassesse? À force de l'insulter, on le rendit digne d'insulte. Lorsqu'un misérable sent que son caractère s'avilit, que la pitié des hommes ne s'étend plus sur lui, alors il se plonge tout entier dans le mépris, comme dans une espèce de mort. Malgré le masque d'insensibilité que le monarque de Sicile portait sur son visage, je doute que la bande de la place publique qui lui servait d'oreiller durant la nuit et qu'il partageait peut-être avec quelques mendiants de Corinthe fût entièrement sèche le matin. Plusieurs mots échappés à ce prince justifient cette conjecture. Diogène, le rencontrant un jour, lui dit « Tu ne méritais pas un pareil sort. » Denis, se trompant sur le motif de cette exclamation et étonné de trouver de la pitié parmi les hommes, ne put se défendre d'un mouvement de sensibilité. Il répartit « Tu me plains donc, je t'en remercie. » La simplicité de ce mot, qui devait briser l'âme de Diogène, ne fit qu'irriter le féroce cynique. « Te plaindre ? » s'écria-t-il. « Tu te trompes, esclave. Je suis indigné de te voir dans une ville où tu puisses jouir encore de quelque plaisir. » À Dieu ne plaise qu'une pareille philosophie soit jamais la mienne. » Dans une autre occasion, le même prince, importuné par un homme qui l'accablait de familiarités indécentes, dit tranquillement « Heureux ceux qui ont appris à souffrir ». Quelquefois, il savait repousser une injure grossière par une raillerie piquante. Un Corinthien, soupçonné de filouterie, s'approche de lui en secouant sa tunique pour montrer qu'il ne cachait point de poignard, manière dont on usait en abordant les tyrans. « Fais-le en sortant !» lui dit Denis. La fortune voulut mêler quelque douceur à l'amertume de ses breuvages pour en rendre le déboire plus affreux. Denis obtint la permission de voyager et Philippe le reçut dans son royaume avec tous les honneurs dus à son rang. Pédagogue à Corinthe, roi encore à la table de celui de Macédoine, réduit de nouveau à la mendicité, ces étranges vicissitudes devaient bien apprendre au prince de Sicile la folie de la vie et la vanité des rôles qu'on y remplit. Du moins le père d'Alexandre s'honora-t-il en respectant la fortune. Il ne put s'empêcher de dire à son hôte en le voyant avec une espèce de chaleur « Comment avez-vous perdu un empire que votre père sut conserver si longtemps ?»« J'héritais de sa puissance, répondit Denis, et non de sa fortune. » Ce mot-là explique l'histoire du genre humain. Un soir que les deux tyrans s'entretenaient familièrement dans une orgie, celui de la Grèce demanda à celui de Sicile quel temps son père Denis l'Ancien prenait pour composer un si grand nombre de poèmes. « Le temps que vous et moi mettons ici à boire, » répliqua gaiement le roi détrôné. Le sort voulut enfin terminer ce grand drame de l'école des rois par un dénouement non moins extraordinaire que les autres scènes. Denis, réduit au dernier degré de misère ou rendu fou de chagrin, s'engagea dans une troupe de prêtres de Cybèle. Et l'on vit le monarque de Syracuse, avec sa grosse taille et ses yeux à moitié fermés, parcourant les villes et les bourgs de la Grèce, sautant et dansant en frappant un tympanon, et allant après tendre la main à la ronde pour recevoir les chétives aumônes de la populace. Si je me suis arrêté longtemps aux infortunes de Denis, on en sent assez la raison. Outre la grande leçon qu'elle présente, l'Europe a devant les yeux, au moment où j'écris ceci, un exemple frappant, non des mêmes vices, mais presque des mêmes malheurs. Le souverain légitime de la France erre maintenant en Europe à la merci des hommes. Cependant, si un royaume florissant, un peuple nombreux, une naissance illustre, se réunissent pour augmenter l'amertume des regrets de Louis, ils ne sauraient craindre, comme les rois de l'Antiquité, l'excès de l'indigence. Cette différence tient à l'état relatif des constitutions. Chez les anciens, un prince fugitif ne rencontrait que des républiques qui insultaient à sa misère. Dans le monde moderne, il trouve du moins d'autres princes qui lui procurent les nécessités de la vie. S'il arrivait que l'Europe se formât en démocratie, le dernier des monarques détrônés serait aussi malheureux que Denis. Depuis les premiers âges du monde jusqu'à la catastrophe des Bourbons en France, l'histoire nous offre un grand nombre de princes fugitifs et en proie aux douleurs, le partage commun des hommes. On remarque particulièrement chez les anciens le monarque aveugle qui parcourait la Grèce appuyé sur son Antigone. Thésée, le législateur, le défenseur de sa patrie, est banni par un peuple ingrat. Oreste, suivi d'un seul ami, Idoménée, chassé de Crète, Démarate, roi de Sparte, retiré auprès de Darius, Hippias, mort au champ de Marathon en cherchant à recouvrer sa couronne. Pausanias II, roi de Sparte, condamné à mort et sauvé par la fuite. Denis, à Corinthe, Darius, fuyant seul devant Alexandre et assassiné par ses courtisans. Cléomène, digne successeur d'Agis, crucifié en Égypte, où il s'était retiré. Antiochus Hiérax, réfugié chez Ptolémée, qui le jette dans des cachots. Antiochus X, errant chez les Parthes et en Cilicie. Mithridate, cherchant en vain un asile auprès de Tigrane, son gendre, et réduit à s'empoisonner. À Rome, Tarquin, chassé par Brutus, et soulevant en vain l'Italie en sa faveur. Une foule d'empereurs des deux empires qu'il serait trop long d'énumérer. Parmi les peuples modernes, on reconnaît en Afrique Gélimère, chassé du trône des Vandales, et réduit à cultiver un champ de ses propres mains. En Italie, Lambert, premier prince fugitif de l'Europe moderne. Pierre de Médicis, qui, sans Philippe de Comines, n'eût pu trouver une retraite à Venise. L'empereur Henri IV fuyant devant son fils, le comte de Flandre chassé par Artavel, Charles V de France dépouillé par la faction de Charles de Navarre, Charles VII réduit à sa ville d'Orléans, Henri VI d'Angleterre détrôné, puis rétabli, puis détrôné encore, Édouard IV errant dans les Pays-Bas, privé de tout secours, Henri IV de France chassé par la Ligue, Charles II d'Angleterre obligé de dormir sur un chêne dans ses états, tandis que sa famille sur le continent était forcée de se tenir au lit faute de feu, Gustave Vasa retiré dans les mines, Stanislas roi de Pologne s'échappant déguisé de son palais, Jacques II trouvant une cour en France, mais dont les descendants n'avaient pas un lieu où reposer leur tête, Marie portant son fils dans les rangs des Hongrois, enfin les Bourbons, terminant cette liste d'illustres infortunés. Dans ce catalogue de misère, chacun pourra satisfaire le penchant de son cœur. L'envie y verra des rois, la pitié des malheureux et la philosophie des hommes. Thrice happy you, who look as from the shore, and have no venture in the wreck you see. Celui-là n'était pas un favori de la prospérité qui répétait ses devoirs. C'était un monarque, le malheureux Richard II, qui, le matin même du jour où il fut assassiné, jetant à travers les soupiraux de sa prison un regard sur la campagne, enviait le pâtre qu'il voyait assis tranquillement dans la vallée auprès de ses chèvres. On a beaucoup disputé sur l'infortune comme sur toute autre chose. Voici quelques réflexions que je crois nouvelles. Comment le malheur agit-il sur les hommes? Augmente-t-il la force de leur âme? La diminue-t-il? S'il l'augmente, pourquoi Denis fut-il si lâche? S'il la diminue, pourquoi la reine de France déploya-t-elle tant de fortitude? Prend-il le caractère de la victime? Mais s'il le prend, pourquoi Louis, si timide au jour du bonheur, se montra-t-il si courageux au jour de l'adversité? Et pourquoi ce Jacques II, si brave dans la prospérité, fuyait-il sur les bords de la Boyne lorsqu'il n'avait plus rien à perdre? Serait-ce que le malheur transforme les hommes? Sommes-nous forts parce que nous étions faibles, faibles parce que nous étions forts? Mais le pusillanime empereur romain, qui se cachait dans les latrines de son palais au moment de sa mort, avait toujours été le même, et le breton Caractacus fut aussi noble dans la capitale du monde que dans ses forêts. Il paraît donc impossible de raisonner d'après une donnée certaine sur la nature de l'infortune. Il est vraisemblable qu'elle agisse sur nous par des causes secrètes qui tiennent à nos habitudes et à nos préjugés et par la position où nous nous trouvons relativement aux objets environnants. Denis, si vil à Corinthe, eût peut-être été très grand entre les mains de ses sujets à Syracuse. Autre recherche. Voilà le malheur considéré en lui-même. Examinons-le dans ses relations extérieures. La vue de la misère cause différentes sensations chez les hommes. Les grands, c'est-à-dire les riches, ne la voient qu'avec un dégoût extrême. Il ne faut attendre d'eux qu'une pitié insolente, que des dons, des politesses, mille fois pire que des insultes. Le marchand, si vous entrez dans son comptoir, ramassera précipitamment l'argent qui se trouve à terre. Cette âme debout confond le malheureux et le malhonnête homme. Quant au peuple, il vous traite selon son génie. L'infortuné rencontre en Allemagne la vraie hospitalité, en Italie la bassesse, mais quelquefois des éclairs de sensibilité et de délicatesse. En Espagne, la morgue et la lâcheté, parfois aussi de la noblesse. Le peuple français, malgré sa barbarie, lorsqu'il s'assemble en masse, est le plus charitable, le plus sensible de tous envers le misérable, parce qu'il est sans contredit le moins avide d'or. Le désintéressement est une qualité que mes compatriotes possèdent éminemment au-dessus des autres nations de l'Europe. L'argent n'est rien pour eux, pourvu qu'ils aient exactement la vie. En Hollande, le malheureux ne trouve que brutalité. En Angleterre, le peuple méprise souverainement la fortune. Mais autant les individus qui la composent sont avides d'argent, autant ils sont généreux pris en corps. Au fait, je ne connais point deux nations plus antipathiques de génie, de mœurs, de vices et de vertus que les Anglais et les Français, avec cette différence que les Anglais reconnaissent généreusement plusieurs qualités dans les Français, tandis que ceux-ci refusent toute vertu aux autres. Examinons maintenant si de ces diverses remarques on ne peut tirer quelques règles de conduite dans le malheur. J'en sais trois. Un misérable est un objet de curiosité pour les hommes. On l'examine, on aime à toucher la corde des angoisses pour jouir du plaisir d'étudier son cœur au moment de la convulsion de sa douleur, comme ces chirurgiens qui suspendent des animaux dans des tourments afin d'épier la circulation du sang et le jeu des organes. La première règle est donc de cacher ses pleurs. Qui peut s'intéresser au récit de nos maux ? Les uns les écoutent sans les entendre, les autres avec ennui, tous avec malignité. La prospérité est une statue d'or dont les oreilles ressemblent à des cavernes sonores décrites par quelques voyageurs, le plus léger soupir s'y grossit en un son épouvantable. La seconde règle qui découle de la première consiste à s'isoler entièrement. Il faut éviter la société lorsqu'on souffre, parce qu'elle est l'ennemi naturel du malheureux. Sa maxime est « infortuné, coupable ». Je suis si convaincu de cette vérité sociale que je ne passe guère dans les rues sans baisser la tête. Troisième règle, fierté intraitable. L'orgueil est la vertu du malheur. Plus la fortune nous abaisse, plus il faut nous élever si nous voulons sauver notre caractère. Il faut se ressouvenir que partout on honore l'habit et non l'homme. Peu importe que vous soyez un fripon si vous êtes riche, un honnête homme si vous êtes pauvre. Les positions relatives font dans la société l'estime, la considération, la vertu. Comme il n'y a rien d'intrinsèque dans la naissance, vous fûtes roi à Syracuse et vous devenez particulier malheureux à Corinthe. Dans la première proposition, vous devez mépriser ce que vous êtes. Dans la seconde, vous enorgueillir de ce que vous avez été. Non qu'au fond, vous ne sachiez à quoi vous en tenir sur ce frivole avantage, mais pour vous en servir comme d'un bouclier contre le mépris attaché à l'infortune. On se familiarise aisément avec le malheureux. Il se trouve sans cesse dans la dure nécessité de se rappeler de sa dignité d'homme s'il ne veut pas que les autres l'oublient. Mais enfin, que faut-il faire pour soulager ses chagrins? Voici la pierre philosophale. D'abord, la nature du malheur n'étant pas parfaitement connue, cette question reste pour ainsi dire insoluble. Lorsqu'on ne sait où gît le siège du mal, où peut-on appliquer le remède? Plusieurs philosophes anciens et modernes ont écrit sur ce sujet. Les uns nous proposent la lecture, les autres la vertu, le courage. C'est le médecin qui dit au patient « Portez-vous bien ». Un livre vraiment utile aux misérables parce qu'on y trouve la pitié, la tolérance, la douce indulgence, l'espérance plus douce encore qui compose le seul baume des blessures de l'âme. Ce sont les évangiles. Leur divin auteur ne s'arrête point à prêcher vainement les infortunés, il fait plus, il bénit leurs larmes et boit avec eux le calice jusqu'à la lie. Il n'y a point de panacée universelle pour le chagrin. Il en faudrait autant qu'il y a d'individus souffrants. D'ailleurs, la raison trop dure ne fait qu'aigrir celui qui souffre, comme la garde maladroite qui, en tournant l'agonisant dans son lit pour le mettre plus à son aise, ne fait que le torturer. Il ne faut rien moins que la main d'un ami pour panser les plaies du cœur et pour vous aider à soulever doucement la pierre de la tombe. Mais si nous ignorons comme le malheur agit, nous savons du moins en quoi il consiste, en une privation, que celle-ci varie à l'infini et que l'un regrette un trône, l'autre une fortune, un troisième une place, un quatrième un abus. N'importe, l'effet reste le même pour tous. Un ami me disait « Je ne vois qu'une infortune réelle, celle de manquer de pain. Quand un homme a la vie, l'habit, une chambre et du feu, les autres maux s'évanouissent. Le manque du nécessaire absolu est une chose affreuse, parce que l'inquiétude du lendemain empoisonne le présent. Mon ami avait raison, mais cela ne tranche pas la question. Car que faudrait-il faire pour se procurer ce premier besoin ? Travailler, répondent ceux qui n'entendent rien au cœur de l'homme. Nous supportons l'adversité, non d'après tel ou tel principe, mais selon notre éducation, nos goûts, notre caractère et surtout notre génie. Celui-ci, s'il peut gagner passablement sa vie par une occupation quelconque, s'apercevra à peine qu'il a changé de condition. Tandis que celui-là, d'un ordre supérieur, regardera comme le plus grand des maux de se voir obligé de renoncer aux facultés de son âme, de faire sa compagnie de manœuvre, dont les idées sont confinées autour du bloc qu'il scie, ou de passer ses jours dans l'âge de la raison et de la pensée à faire répéter des mots aux stupides enfants de son voisin. Un pareil homme aimera mieux mourir de faim que de se procurer à un tel prix les besoins de la vie. Ce n'est donc pas chose si aisée que d'associer le nécessaire et le bonheur. Tout le monde n'entendra pas ceci. Ainsi, nous ne sommes pas juges compétents du bon et du mauvais pour les autres. Il ne s'agit pas de l'apparence, mais de la réalité. Cependant, j'essaierai de montrer le parti qu'on peut tirer de la condition la plus misérable. Un infortuné parmi les enfants de la prospérité ressemble à un gueux qui se promène en guenille au milieu d'une société brillante. Chacun le regarde et le fuit. Il doit donc éviter les jardins publics, le fracas, le grand jour. Le plus souvent même, il ne sortira que la nuit. Lorsque la brune commence à confondre les objets, notre infortuné s'aventure hors de sa retraite et, traversant en hâte les lieux fréquentés, il gagne quelque chemin solitaire où il puisse errer en liberté. Un jour, il va s'asseoir au sommet d'une colline qui domine la ville et commande une vaste contrée. Il contemple les feux qui brillent dans l'étendue du paysage obscur sous tous ses toits habités. Ici, il voit éclater le réverbère à la porte de cet hôtel dont les habitants, plongés dans les plaisirs, ignorent qu'il est un misérable, occupé seul à regarder de loin la lumière de leur fête, lui qui eut aussi des fêtes et des amis. Il ramène ensuite ses regards sur quelques petits rayons, tremblant dans une pauvre maison écartée du faubourg, il se dit « Là, j'ai des frères ». Une autre fois, par un clair de lune, il se place en embuscade sur un grand chemin pour jouir encore à la dérobée de la vue des hommes sans être distingué d'eux, de peur qu'en apercevant un malheureux, il ne s'écrie comme les gardes du docteur anglais dans la chaumière indienne « Un paria, un paria ». Mais le but favori de ses courses sera peut-être un bois de sapin planté à quelques milles de la ville. Là, il a trouvé une société paisible qui, comme lui, cherche le silence et l'obscurité. Ces sylvains solitaires veulent bien le souffrir dans leur république à laquelle il paie un léger tribut, tâchant ainsi de reconnaître, autant qu'il est en lui, l'hospitalité qu'on lui a donnée. Lorsque les chances de la destinée nous jettent hors de la société, la surabondance de notre âme, faute de l'objet réel, se répand jusque sur l'ordre muet de la création, et nous y trouvons une sorte de plaisir que nous n'aurions jamais soupçonné. La vie est douce avec la nature. Pour moi, je me suis sauvé dans la solitude, loin de la mer du monde. J'en contemple encore quelquefois les tempêtes, comme un homme jeté seul sur une île déserte, qui se plaît, par une secrète mélancolie, à voir les flots se briser au loin sur les côtes où il fit naufrage. Après la perte de nos amis, si nous ne succombons à la douleur, le cœur se replie sur lui-même. Il forme le projet de se détacher de tout autre sentiment et de vivre uniquement avec ses souvenirs. S'il devient moins propre à la société, sa sensibilité se développe aussi davantage. Le malheur nous est utile. Sans lui, les facultés aimantes de notre âme resteraient inactives. Il la rend un instrument toute harmonie dont, au moindre souffle, il sort des murmures inexprimables. Que celui que le chagrin mine s'enfonce dans les forêts, qu'il erre sous leurs voûtes mobiles, qu'il gravisse la colline, d'où l'on découvre d'un côté de riches campagnes, de l'autre le soleil levant sur des mers étincelantes, dont le vert changeant se glace de cramoisi et de feu. Sa douleur ne tiendra point contre un pareil spectacle, non qu'il oublie ce qu'il aima, car alors ses maux seraient préférables. Mais leur souvenir se fondra avec le calme des bois et des cieux. Il gardera sa douleur et ne perdra que son amertume. Heureux ceux qui aiment la nature, ils la trouveront et trouveront seulement elle au jour de l'adversité. Telle est la première sorte de plaisir qu'on peut tirer du malheur, mais on en compte plusieurs autres. Je recommanderais particulièrement l'étude de la botanique, comme propre à calmer l'âme en détournant les yeux des passions des hommes, pour les porter sur le peuple innocent des fleurs. Armé de ses ciseaux, de son style, de sa lunette, on s'en va, tout courbé, longeant les fossés d'un vieux chemin, s'arrêtant au massif d'une tour en ruine, aux mousses d'une antique fontaine, à l'orée septentrionale d'un bois, ou peut-être on parcourt des grèves que les algues festonnent de leurs grands falbalas frisés et couleurs d'écailles fondues. Notre botanophile se plaît à rencontrer la Tulipa sylvestris, qui se retire, comme lui, sous les ombrages les plus solitaires. Il s'attache à ces lys mélancoliques, dont le front penché semble rêver sur le courant des eaux. À l'aspect attendrissant du convolvulus qui entoure de ses fleurs pâles quelques aunes décrépits, il croit voir une jeune fille pressée de ses bras d'albâtre son vieux père mourant. L'ulex épineux, couvert de ses papillons d'or, qui présente un asile assuré aux petits des oiseaux, lui montre une puissance protectrice du faible. Dans les thyns et les calamances, qui embellissent généreusement un sol ingrat de leur verdure parfumée, il reconnaît le symbole de l'amour de la patrie. Parmi les végétaux supérieurs, il s'égare volontiers sous ces arbres dont les sourds mugissements imitent la triste voix des mers lointaines. Il affecte cette famille américaine qui laisse pendre ses branches négligées comme dans la douleur. Il aime ce saule au port languissant qui ressemble, avec sa tête blonde et sa chevelure en désordre, à une bergère pleurant au bord d'une onde. Enfin, il recherche de préférence dans ce règne aimable les plantes qui, par leurs accidents, leurs goûts, leurs mœurs, entretiennent des intelligences secrètes avec son âme. Oh, qu'avec délices, après cette course laborieuse, on rentre dans sa misérable demeure, chargée de la dépouille des champs, comme si l'on craignait que quelqu'un ne vînt ravir ce trésor. Fermant mystérieusement la porte sur soi, on se met à faire l'analyse de sa récolte, blâmant ou approuvant Tournefort, Linné, Vaillant, Jussieu, Solander, Dubourg. Cependant, la nuit approche, le bruit commence à cesser au dehors et le cœur palpité d'avance du plaisir qu'on s'est préparé. Un livre qu'on a bien eu de la peine à se procurer, un livre qu'on tire précieusement du lieu obscur où on le tenait caché, va remplir ses heures de silence. Auprès d'un humble feu et d'une lumière vacillante, certain de n'être point entendu, on s'attendrit sur les mots imaginaires des Clarisse, des Clémentine, des Héloïse, des Cécilia. Les romans sont les livres des malheureux. Ils nous nourrissent d'illusions, il est vrai, mais en sont-ils plus remplis que la vie? Ou bien, si vous le voulez, ce sera un grand crime, une grande vérité, dont notre solitaire s'occupera. Agrippine, assassinée par son fils. Il veillera au bord du lit de l'ambitieuse romaine, maintenant retirée dans une chambre obscure, à peine éclairée d'une petite lampe. Il voit l'impératrice tomber, faire un reproche touchant à la seule suivante qui lui reste et qui elle-même l'abandonne. Il observe l'anxiété augmentant à chaque minute sur le visage de cette malheureuse princesse qui, dans une vaste solitude, écoute attentivement le silence. Bientôt, on en entend le bruit sourd des assassins qui brisent les portes extérieures. Agrippine tressaille, s'assied sur son lit, prête l'oreille. Le bruit approche, la troupe entre, entoure la couche. Le centurion tire son épée et en frappe la reine aux tempes. Alors, « Ventrem feri !» s'écrie la mère de Néron, mot dont la sublimité fait hocher la tête. Peut-être aussi, lorsque tout repose entre 2 ou 3 heures du matin, au murmure des vents et de la pluie qui battent contre vos fenêtres, écrivez-vous ce que vous savez des hommes. L'infortuné occupe une place avantageuse pour les bien étudiés, parce qu'étant hors de leur route, il les voit passer devant lui. Mais après tout, il faut toujours en revenir à ceci. Sans les premières nécessités de la vie, point de remèdes à nos maux. Otway, en mendiant le morceau de pain qui l'étouffa, Gilbert, la tête troublée par le chagrin, en avalant une clé à l'hôpital, sentir bien amèrement, à cet égard, quoique homme de lettres, toute la vanité de la philosophie. Fin de la section 10.